Section 17. Jaffa s'appelait autrefois Jopé, ce qui signifie belle ou agréable, pulchritudo haut decor, dit adichromius. D'Anville dérive le nom actuel de Jaffa d'une forme primitive de Jopé qui est Jaffo. Je remarquerai qu'il y avait dans le pays des Hébreux une autre cité du nom de Jaffa qui fut prise par les Romains. Ce nom a peut-être été transporté ensuite à Jopé. S'il faut en croire les interprètes et Pline lui-même, l'origine de cette ville remonterait à une haute antiquité, puisque Jopé aurait été bâti avant le déluge. On dit que ce fut à Jopé que Noé entra dans l'arche. Après la retraite des eaux, le patriarche donna en partage à Sem, son fils aîné, toutes les terres dépendantes de la ville fondée par son troisième fils Japhet. Enfin, Jopé, selon les traditions du pays, garde la sépulture du second père du genre humain. Selon Pocock, Shaw et peut-être d'Anville, Jopé tomba en partage à Éphraïm et forma la partie occidentale de cette tribu, avec Ramlé et Lida. Mais d'autres auteurs, entre autres Adrichromius, Roger, etc., placent Jopé sous la tribu de Dan. Les Grecs étendirent leur fable jusqu'à ses rivages. Ils disaient que Jopé tirait son nom d'une fille d'Éole. Il plaçait dans le voisinage de cette ville l'aventure de Persée et d'Andromède. Scaurus, selon Pline, apporta de Jopé à Rome les eaux du monstre marin suscité par Neptune. Pausanias prétend qu'on voyait près de Jopé une fontaine où Persée lava le sang dont le monstre l'avait couvert, d'où il arriva que l'eau de cette fontaine demeura teinte d'une couleur rouge. Enfin, saint Jérôme raconte que de son temps, on montrait encore à Jopé le rocher et l'anneau auquel Andromède fut attaché. Ce fut à Jopé qu'abordèrent les flottes d'Iram, chargées de cèdres pour le temple, et que s'embarqua le prophète Jonas lorsqu'il fuyait devant la face du Seigneur. Jopé tomba 5 fois entre les mains des Égyptiens, des Assyriens et des différents peuples qui firent la guerre aux Juifs avant l'arrivée des Romains en Asie. Elle devint une des 11 toparchies où l'idole Ascarlin était adorée. Judas Maccabée brûla cette ville, dont les habitants avaient massacré 200 juifs. Saint-Pierre y ressuscita Tabith, et y reçut chez Simon, le corroyeur, les hommes venus de Césarée. Au moment des troubles de la Judée, Jopé fut détruite par Cestius. Des pirates, en ayant relevé les murs, Vespasien la saccagea de nouveau et mit garnison dans la citadelle. On a vu que Jopé existait encore environ 2 siècles après, du temps de saint Jérôme, qui la nomme Jaffo. Elle passa avec toute la Syrie sous le joug des Sarrasins. On la retrouve dans les historiens des croisades. L'anonyme qui commence la collection Gesta Dei Per Francos raconte que l'armée des croisés étant sous les murs de Jérusalem, Godefroy de Bouillon envoya Raymond Pilet, Achard de Moumélou et Guillaume de Sabran pour garder les vaisseaux génois et pisans arrivés au port de Jaffa. Qui fideliter custodirent homines et naves in portu Iapaoi. Benjamin de Tulède en parle à peu près à cette époque sous le nom de Gaffa. Quinque abinc leucis est Gappa holim Iapo aliis Jopé dicta ad mare sita. Ubi unus tantum iudeus iscue lanae inficien doe artifex est. Saladin reprit Jaffa sur les croisés, et Richard Cœur de Lion l'enleva à Saladin. Les Sarrasins y entrèrent et massacrèrent les chrétiens. Mais lors du premier voyage de Saint-Louis en Orient, elle n'était plus au pouvoir des infidèles, car elle était tenue par Gauthier de Brienne, qui prenait le titre de comte de Jaffe, selon l'orthographe du sire de Joinville. Et quand le comte de Jaffe vit que le roi venoit, il assorta et miste son chastel de Jaffe en tel point qu'il ressemboa bien une bonne ville défensable. Car à chasquin créneau de son chastel, il lui avoit bien 500 hommes, à tout chasquin une targe et une pénoncelle à ses armes. Laquelle chose est-toi fort belle, avéoir, car ses armes, est-toi de fin or, à une croix de gueule pâtée fecte moult richement. Nous nous logeâmes au champ tout alentour, dit celui chastel de Jaffe, qui est-toi, séant, ré de la mer, et en une isle. Et fist commençait le roi à faire fermer et édifier une bourge tout alentour du chastel, des lunes des mers jusques à l'autre, en ce qu'il y a voie de terre. Ce fut à Jaffa que la reine femme de Saint-Louis accoucha d'une fille nommée Blanche, et Saint-Louis reçut dans la même ville la nouvelle de la mort de sa mère. Il se jeta à genoux et s'écria « Je vous rends grâce, mon Dieu, de ce que vous m'avez presté, madame, ma chère mère, tant qu'il a plu à votre volonté, et de ce que maintenant, selon votre bon plaisir, vous l'avez retiré à vous. Il est vrai que je l'ai, moi, sur toutes les créatures du monde, et elle le méritoit. Mais puisque vous me l'avez ostée, votre nom soit béni éternellement. » Jaffa, sous la domination des chrétiens, avait un évêque suffragant du siège de Césarée. Quand les chevaliers eurent été contraints d'abandonner entièrement la Terre Sainte, Jaffa retomba avec toute la Palestine sous le joug des Soudans d'Égypte, et ensuite sous la domination des Turcs. Depuis cette époque jusqu'à nos jours, on retrouve Joppé ou Jaffa dans tous les voyages à Jérusalem. Mais la ville telle qu'on la voit aujourd'hui n'a guère plus d'un siècle d'existence, puisque Monconis, qui visita la Palestine en 1647, ne trouva à Jaffa qu'un château et trois cavernes creusées dans le roc. Thévenot ajoute que les moines de Terre Sainte avaient élevé devant les cavernes des baraques de bois et que les Turcs contraignirent les pères de les démolir. Cela explique un passage de la relation d'un religieux vénitien. Ce religieux raconte qu'à leur arrivée à Jaffa, on renfermait les pèlerins dans une caverne. Bref, Obdam, Dehay, Nicole le Huin, Barthélemy de Salignac, Dulois, Zualard, le père Roger et Pierre de la Vallée sont unanimes sur le peu d'étendue et la misère de Jaffa. On peut voir dans Monsieur de Volnay ce qui concerne la moderne Jaffa, l'histoire des sièges qu'elle a souffert pendant les guerres de Daher et d'Ali Bey, ainsi que les autres détails sur la bonté de ses fruits, l'agrément de ses jardins, etc. J'ajouterai quelques remarques. Indépendamment des deux fontaines de Jaffa citées par les voyageurs, on trouve des eaux douces le long de la mer en remontant vers Gaza. Il suffit de creuser avec la main dans le sable pour faire sourdre, au bord même de la vague, une eau fraîche. J'ai fait moi-même, avec M. Contessini, cette curieuse expérience, depuis l'angle méridional de la ville jusqu'à la demeure d'un santon que l'on voit à quelque distance sur la côte. Jaffa, déjà si maltraité dans les guerres de Daher, a beaucoup souffert par les derniers événements. Les Français, commandés par l'empereur, la prirent d'assaut en 1799. Lorsque nos soldats furent retournés en Égypte, les Anglais, unis aux troupes du grand vizir, bâtirent un bastion à l'angle sud-est de la ville. Abou Mara, favori du grand vizir, fut nommé commandant de la ville. Djezar, pacha d'Acre, ennemi du grand vizir, vint mettre le siège devant Jaffa après le départ de l'armée ottomane. Abou Mara se défendit vaillamment pendant 9 mois et trouva moyen de s'échapper par mer. Les ruines qu'on voit à l'orient de la ville sont les fruits de ce siège. Après la mort de Djezar, Abou Mara fut nommé pacha de Djeddah sur la mer Rouge. Le nouveau pacha prit sa route à travers la Palestine. Par une de ces révoltes, si communes en Turquie, il s'arrêta dans Jaffa et refusa de se rendre dans son pachalik. Le pacha d'Acre, Suleiman Pacha, second successeur de Djezar, reçut ordre d'attaquer le rebelle et Jaffa fut assiégé de nouveau. Après une assez faible résistance, Abou Mara se réfugia auprès de Mahomet Pacha Adem, alors élevé au pachalik de Damas. J'espère qu'on voudra bien me pardonner l'aridité de ces détails à cause de l'importance que Jaffa avait autrefois et de celle qu'elle a acquise dans ces derniers temps. J'attendais avec impatience le moment de mon départ pour Jérusalem. Le 3 octobre, à 4 heures de l'après-midi, mes domestiques se revêtirent de sayons de poils de chèvre fabriqués dans la Haute Égypte et tels que les portent les Bédouins. Je mis par-dessus mon habit une robe semblable à celle de Jean et de Julien, et nous montâmes sur de petits chevaux. Des bas nous servaient de selle. Nous avions les pieds passés dans des cordes en guise d'étrier. Le président de l'hospice marchait à notre tête comme un simple frère. Un arabe presque nu nous montrait le chemin, et un autre arabe nous suivait, chassant devant lui un âne chargé de nos bagages. Nous sortîmes par les derrières du couvent, et nous gagnâmes la porte de la ville